Une question se pose à moi. Aïe. Mané, tu aimes ROS? Très bonne question. Aïe, tu veux aïe, savoir aïe. Franchement tu veux ce savoir? Que dégage de moi ROS, Mané? Ouais, ouais. C'est ma vie, je le vis, je le prends. Pas comme un personnage, non. C'est ma vie, je le vis, je le prends. Pas comme un personnage, non. C'est ma vie, je le vis, je le prends. Pas comme un personnage, non. C'est ma vie, je le vis, je le vis, je le vis, je le vis. Parce que Mani sait. Tu penses pas pour les petites frappes, les jacteurs. R.O.S. Éjecteur, il a pas le temps pour les acteurs. Dans sa ville. Sa vie, il a déjà beaucoup trop d'acteurs. Parce que mon rap reflète ma vie, vois-tu. Mes tirs te parlent que de vécu. Ce que dégage de moi, R.O.S. Mani, c'est ma vie et non celle d'autrui. Des cinématographes, j'en verrai, j'en vois et j'en ai vu. Tous à fond dans les films, chaque jour, des nouvelles stories s'approprient comme si c'était la leur. Mais Mani, ce que dégage de moi, R.O.S., c'est du vécu, c'est ma vie, je le vis. Je te parle pas d'il ou elle, elle, c'est une pipelette. Elle aime se faire belle, il devrait se mettre en dentelle. Je prostitue, le rap, il prostitue. Je raconte pas la tienne, donc raconte pas la mienne. Tu t'engages dans un chemin sans issue. Ma vie, Mani, n'est pas un jeu de Monopoly. Trop souvent monopolisé, brisé. Dans ma vie, de ma vie, t'en mêles pas. Réfléchis avant le pas. Cesse de croire au cinéma, vis ta vie, mais ne la vente pas. Cesse de croire au cinéma, vis ta vie, mais ne la vente pas. Non, ne la vente pas. Tu penses pas pour les petites frappes, les jacteurs. R.O.S. Éjecteur, il a pas le temps pour les acteurs. Sa vie, il a déjà beaucoup trop voilà d'acteurs. Voilà là, un caractéristique typique. Le genre d'ingrat rempli d'ingratitude typique. Vise le vice, R.O.S. novice. Un flow nocif qui défonce. Pire qu'un liquide nocif. Attends, attends, rempli de critique. Le son défonce, pourtant et tes critiques. Tes critères critiques, on défonce. R.O.S. West, bien au-dessus tes critères. Un, ça c'est du 11 qui bouge les artères. Chauffe pas dans les rues, au mic, ah. C'est le cri de guerre, chauffe pas dans les rues, au mic, ah. C'est le cri de guerre, cherche pas à test, coup d'un coup, pas de coup volontaire. On t'engouffre dans cellulaire, pas d'excuse, trop tard pour revenir en arrière. En attendant, tais-toi, puis assis-toi sur ton derrière. Un avertissement, celle-ci était la dernière. Un avertissement, celle-ci était la dernière. D'où dans le fond, un seul souhait, faire face au paradis et faire toi cette barrière. Et ça, ça ne date pas d'hier. Depuis la nuit des temps, dans ma tête, sans objection, faut exaucer ses prières. Depuis la nuit des temps, dans ma tête, sans objection, faut exaucer ses prières. Si je t'en parle, c'est qu'avant naissance, sûrement ça. Je l'ai vu ça, je le sais ça, mais oui c'est ça. On ne fait rien pour pourtant, on le sait ça. On ne fait rien pour pourtant, on le sait ça. On le sait ça. Tu penses pas pour les petites frappes, les jacteurs. R.O.S. Jacteur, il a pas le temps pour les acteurs. Dans sa ville. Sa vie, il a déjà beaucoup trop d'acteurs. Parce que Mani sait. Tu penses pas pour les petites frappes, les jacteurs. Il a pas le temps pour les acteurs. Dans sa ville. Sa vie, il a déjà beaucoup trop d'acteurs. Parce que Mani sait. Tu penses pas pour les acteurs. Les flambis, les rapporteurs de vécu. Les acteurs, les cinématographes, les pompeurs. Mon RAP à moi, je parle que de vécu. Tu sais, j'ai pas tellement besoin de la télé. Jusqu'autour de moi, dans mon quotidien, c'est rempli de comédiens. Rien à foutre du palmarès d'autrui. Je parle du mien, de ma vie, de mon vécu et de ce que je vis. R.O.S. Alim Pali, Wesley, M.A.T. S.I.T.I. Babs, Ramono Armé. Fuck le reste. Ha ha. R.O.S. Beaucoup trop d'acteurs. Pas le cas pour les cinématographes. Yeah. Aïe. Je connais déjà la suite, nigga. Black attitude, nigga. Éjecteur, il a pas le temps pour les acteurs. Dans sa ville. Dans sa vie, il a déjà beaucoup trop d'acteurs.